Voici une synthèse astérisque astérisque précise et actualisée astérisque astérisque des événements autour de la nomination d'Aminata Touré à la tête de la coalition Diomé président, avec des éléments clés pour enrichir ton chapitre. Les informations sont confirmées et datées du 11 novembre 2025, issues de sources sénégalaises fiables, Le Soleil, Senplus, Afrique.com, BBC Afrique, CNews, etc. Dies dies astérisque astérisque 1. Chronologie et contexte de la nomination d'Aminata Touré astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque. La décision et ses justifications astérisque astérisque. Astérisque astérisque date officielle astérisque astérisque 11 novembre 2025. Astérisque astérisque acte fondateur astérisque astérisque lettre signée par le président Bassirou Diomé Faye, mettant fin à la mission d'Aïdam Bodj, informée dès le 10 septembre 2025, et nommant Aminata Touré pour conduire la réorganisation de la coalition. Astérisque astérisque raisons invoquées astérisque astérisque. Astérisque astérisque léthargie et division persistante astérisque astérisque au sein de la coalition, malgré un intérêt marqué et de nombreuses demandes d'adhésion. Astérisque astérisque nécessité d'une restructuration astérisque astérisque pour une coalition plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante. Astérisque astérisque expérience et profil fédérateur astérisque astérisque d'Aminata Touré, ancienne première ministre et superviseur général de la campagne électorale de mars 2024. Dies dies dies astérisque astérisque B. Profil d'Aminata Touré, pourquoi elle, astérisque astérisque. Astérisque astérisque ancienne première ministre astérisque astérisque sous Macky Sall, figure institutionnelle respectée. Astérisque astérisque rôle clé astérisque astérisque dans la campagne de 2024. Coordination stratégique, expérience de gestion des alliances. Astérisque astérisque symbolique astérisque astérisque, représente à la fois astérisque astérisque la continuité institutionnelle astérisque astérisque et astérisque astérisque l'ouverture politique astérisque astérisque, mais aussi un astérisque astérisque lien avec l'ancien régime astérisque astérisque, ce qui explique les contestations. Dies dies astérisque astérisque 2. Réactions et tensions internes astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque. La contestation du PASTEF astérisque astérisque. Astérisque astérisque rejet immédiat astérisque astérisque, le bureau politique du PASTEF, parti d'Ousmane Sonko, a publié un communiqué le 11 novembre 2025 pour astérisque astérisque rejeter la décision astérisque astérisque, estimant que le président n'a astérisque astérisque ni la légitimité ni le pouvoir astérisque astérisque d'opérer seul ce changement. Aminata Touré astérisque astérisque ne partage pas les mêmes principes politiques astérisque astérisque que le PASTEF. Astérisque astérisque conséquence astérisque astérisque, le PASTEF a annoncé la astérisque astérisque poursuite de la construction de l'APT astérisque astérisque, une nouvelle coalition, en marge de la coalition Diomé président. Dies dies dies astérisque astérisque B. Crise au sein de la coalition astérisque astérisque. Astérisque astérisque départ d'Aminata Touré astérisque astérisque du groupe WhatsApp de la conférence des leaders, suivi par sept autres membres, en raison des astérisque astérisque attaques et critiques astérisque astérisque. Astérisque astérisque division accentuée astérisque astérisque, la nomination à astérisque astérisque cristallisait les tensions astérisque astérisque entre les partisans de Diomé Faye et ceux d'Ousmane Sonko, ce dernier ayant astérisque astérisque critiqué indirectement Aminata Touré astérisque astérisque lors du Tora meeting du 8 novembre 2025, allusion à des accusations financières. Dies dies astérisque astérisque 3. Citation clé pour ton livre astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque à Bassirou Diomé Faye, 11 novembre 2025, astérisque astérisque. Astérisque j'ai choisi Madame Aminata Touré pour conduire ce processus qui devra être marqué du sceau de l'ouverture et de la recherche de l'efficience opérationnelle. Son expérience et son esprit fédérateur seront d'un très grand apport dans la restructuration de notre organisation. Astérisque. Astérisque la léthargie et les facteurs de division persistent malgré l'intérêt prononcé que suscite la coalition Diomé président. Astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque B. Réaction du PASTEF astérisque astérisque. Astérisque le bureau politique du PASTEF rejette cette nomination et rappelle que seule la conférence des leaders peut décider de tels changements. Astérisque. Astérisque nous ne partageons ni les valeurs ni les principes avec la personne choisie par le président. Astérisque. Dies dies astérisque astérisque 4. Enjeu symbolique et politique astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque à Aminata Touré, un symbole de continuité ou de rupture, astérisque astérisque. Astérisque astérisque pour Diomephaï astérisque astérisque, une figure capable de astérisque astérisque fédéré astérisque astérisque et de astérisque astérisque professionnalisé astérisque astérisque la coalition, en s'appuyant sur son expérience institutionnelle. Astérisque astérisque pour le PASTEF astérisque astérisque, une astérisque astérisque trahison des idéaux astérisque astérisque de rupture avec l'ancien régime, incarné par Macky Sall. Dies dies dies astérisque astérisque B. La question de la légitimité astérisque astérisque. Astérisque astérisque débat juridique astérisque astérisque, qui a le droit de nommer à la tête de la coalition? Le président ou la conférence des leaders? Astérisque astérisque débat politique astérisque astérisque, la nomination d'Aminata Touré est-elle un astérisque astérisque acte de pragmatisme astérisque astérisque, pour stabiliser la coalition, ou une astérisque astérisque provocation astérisque astérisque, envers le PASTEF? Dies dies astérisque astérisque 5. Intégration dans ton chapitre, proposition de structure astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque nouvelle sous-section, la crise de la coalition Diomé président, la nomination d'Aminata Touré, novembre 2025, astérisque astérisque. Astérisque, à placer dans le chapitre sur les tensions internes au pouvoir, ou dans la section sur les dynamiques politiques post-électorales. Astérisque. Dies dies dies dies astérisque astérisque. Le contexte, pourquoi une réorganisation, astérisque astérisque. Astérisque astérisque léthargie et division astérisque astérisque, justifications officielles de Diomephaï. Astérisque astérisque profil d'Aminata Touré astérisque astérisque, son parcours, son rôle dans la campagne de 2024, et ce qu'elle représente. Dies dies dies dies astérisque astérisque 2. L'annonce et ses répercussions, 11 novembre 2025, astérisque astérisque. Astérisque astérisque la lettre présidentielle astérisque astérisque, fin de mission d'Aïda Mbodj, nomination d'Aminata Touré. Astérisque astérisque réactions immédiates astérisque astérisque, contestation du PASTEF, départ du groupe WhatsApp, annonce de l'APT. Dies dies dies dies astérisque astérisque i. Citation et analyse astérisque astérisque. Astérisque astérisque citation de Diomephaï astérisque astérisque, voir ci-dessus. Astérisque astérisque citation du PASTEF astérisque astérisque, voir ci-dessus. Astérisque astérisque analyse astérisque astérisque, cette crise révèle les astérisque astérisque tensions entre pragmatisme institutionnel et radicalité militante astérisque astérisque, au cœur du projet politique de Diomé Sonko. Dies dies dies dies astérisque astérisque 4. Enjeu symbolique astérisque astérisque. Astérisque astérisque Aminata Touré égale l'ancien système, astérisque astérisque pourquoi sa nomination est-elle si controversée? Astérisque astérisque qui contrôle la coalition, astérisque astérisque le débat sur la légitimité et la gouvernance interne. Dies dies astérisque astérisque 6. Prochaine étape, que souhaites-tu faire, astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque je peux te rédiger une version intégrée et prête à l'emploi astérisque astérisque de cette sous-section, avec des transitions fluides et un style adapté à ton livre. 2. Astérisque astérisque on peut approfondir un angle spécifique astérisque astérisque. Le rôle des réseaux sociaux et des médias dans cette crise. Les réactions de la diaspora sénégalaise. Une analyse comparative avec d'autres crises politiques en Afrique de l'Ouest. 3. Astérisque astérisque tu préfères passer à un autre sujet astérisque astérisque ou chapitre. Dis-moi ce qui t'intéresse le plus, et je m'adapte.